La mystérieuse Lady Dunmore par Maurice Lebel. Lord Dunmore remplit à moitié son verre de whisky et l'avala d'un trait. C'était le cinquième en moins d'une heure et il n'en paraissait pas autrement incommodé. Cette fois, cependant, je remarquai que les gouttes de sueur perlaient à son front et que sa parole s'empâta quelque peu. Je crus devoir lui proposer de rentrer. Il tourna la tête du côté de la pendule, considéra la bouteille aux trois quarts vide et me dit « Nous avons le temps. » « Minuit, on ne rentre pas à minuit. Soupons plutôt dans quelques cabarets. »« Non, vraiment. Tant pis, je me sentais ce soir d'humeur joyeuse. » Il me sembla qu'il mettait une étrange amertume dans ce dernier mot. Déjà, il reprenait. « Mais puisque les plaisirs bruyants ne vous tentent pas, faites-moi au moins le plaisir de venir fumer une cigarette chez moi. » C'était la première fois, et nous nous connaissions depuis plusieurs semaines, qu'il m'adressait une telle invitation. « Ne craignez-vous pas qu'il soit bien tard ?» lui dis-je. « L'heure ne compte pas chez moi, » répondit-il, « et Lady Dunmore sera enchantée de faire votre connaissance. » Au nom de Lady Dunmore, je ne pus réprimer un mouvement d'intérêt, je dirais même de plaisir. Il ne parut pas le remarquer. « Sans doute avez-vous entendu parler d'elle, » reprit-il. Il se gantait avec un soin particulier, ce qui lui permettait de me dérober son regard. Je lui répondis qu'en effet on avait souvent prononcé son nom devant moi, comme celui d'une des femmes les plus accomplies qui fussent de toute manière. « Lady Dunmore est exactement fort belle, » dit-il en boutonnant son col. Lui-même, bien que son visage fût recueilli par le soleil et qu'un tic assez désagréable contracta tout instant ses mâchoires avec grand air, comme il me passait, avec une familiarité qui contrastait avec sa réserve habituelle, le bras autour des épaules, je lui exprimai de nouveau ma crainte de le déranger, surtout de déranger Lady Dunmore. « On ne me dérange jamais, » dit-il, quant à Lady Dunmore. Il n'acheva pas sa phrase. Nous fîmes une centaine de mètres sans rien dire, puis il renoua l'entretien. « Si la démarche ne vous effraie pas, voulez-vous que nous allions à pied ?»« C'est un peu loin, au fond de Passy, mais par une si belle nuit. » Je lui assurai que cette promenade me serait au contraire fort agréable. « À la bonne heure, » dit-il. Et tout aussitôt, comme pour s'excuser par avance de me faire faire une longue course pour peu de choses, « Ne vous attendez pas à trouver un hôtel somptueux. Une villa, une simple villa de bourgeois, entre une cour grande comme la main, et un jardin guère plus large qu'un mouchoir de poche. »« L'étendue n'y fait rien, » lui dis-je, désappointé au fond. Car le logis qu'il m'annonçait ainsi correspondait mal à l'idée que je me faisais de son état de fortune. Il se mit à rire, et corrigeant l'effet qu'avait produit sa déclaration, « À Durham, dans mon comté, j'ai un château. »« Je sais, » lui dis-je. Il me répondit, et il y eut dans son accent une nuance de contrariété. « Je vois que vous êtes renseigné sur moi. »« Oh, vous pouvez en convenir. Il est naturel qu'on s'entoure d'informations touchant un étranger. Les voitures qu'un homme montre, les rangs de perles qu'arbore sa femme, ne sauraient tenir lieu de garantie. Tenez, je gage qu'on vous a dit que j'étais fort riche. » Une telle réputation n'a rien de désobligeant et je n'éprouvais aucun embarras à lui avouer qu'on le disait en effet. Il s'arrêta net, et soulignant son interrogation d'un hochement de tête. « Et que Lady Dunmore, surtout ?» Je protestai, mais avec maladresse sans doute, car il insista. « Mais si, mais si !»« Eh bien, mon cher, ceci n'est pas exact. Lady Dunmore, lorsque je lui donnais mon nom, ne possédait pas un penny. » Peu m'importait que la fortune vînt d'elle ou de lui, et je discernais mal pour quelle raison il me faisait confidence à moi, simple relation de club, d'une situation qui ne me regardait en rien. Il ajouta. Les gens devraient s'abstenir de parler des choses qu'ils ignorent. Cette manie de bavardage crée de fâcheux malentendus. Après ce commentaire, nous parlâmes d'autre chose. Nous arrivions à la rue du Ranelagh. Nous entrâmes dans une avenue fermée par une grille et nous nous arrêtâmes enfin devant un petit hôtel, une manière de cottage qui répondait parfaitement à la description qu'il m'avait faite de sa demeure. Deux fenêtres au rez-de-chaussée étaient éclairées, une autre sur le toit, le reste était dans l'ombre. Il fouilla dans sa poche et s'écria « Quel étourdi que je suis! J'ai laissé mes clés sur ma table !» Cet oubli parut le contrarier et il appuya sur le timbre d'un geste nerveux. L'hôtel n'était pas grand car je perçus avec netteté le tremblement de la sonnerie. Une minute ou deux s'écoulèrent. Lord Dunmore sonna de nouveau et de nouveau nous attendîmes. Une bise aigrelette nous cinglait le visage. Lord Dunmore frappa du pied, grommela « C'est insupportable !» et sonna pour la troisième fois. De la place où j'étais, je distinguai derrière les vitres, estompées par les rideaux, la silhouette d'une femme qui devait être Lady Dunmore, assise dans un fauteuil près de la cheminée et nous tournant le dos. L'idée me vint de conseiller à Lord Dunmore de frapper au carreau. Je m'abstins de la formuler, pensant que pour qu'il n'accomplît pas ce geste, c'était sans doute qu'il le trouvait déplacé. Mais ce qui m'étonna davantage, c'est que Lady Dunmore, qui très certainement devait entendre, ne parut pas s'en inquiéter. Quelle femme française, appartint-elle à la plus haute aristocratie, estimerait indigne d'elle d'ouvrir par une nuit d'hiver la porte à son mari? À bout de patience, Lord Dunmore frappa sur la porte à grands coups de poing. Enfin, au bout d'un temps assez long, un bruit de pas résonna dans l'entrée, une lampe s'alluma et un valet de chambre parut. « Débarrassez, monsieur !» ordonna Lord Dunmore, puis l'ajouta en anglais en rejetant sa pelisse. « Que signifie cette façon de me faire attendre ?»« Je dormais, my lord. »« Vous mentez. La fenêtre de votre chambre était éclairée. J'exige que personne ne dorme tant que je ne suis pas de retour. » Bien que parlant assez mal l'anglais, je compris les premières phrases. Mais de celles qui suivirent, je ne saisis que quelques mots. Lord Dunmore s'exprimait avec une violence singulière. Cet homme, qui ne se départait jamais, aussi bien avec ses égaux qu'avec ses inférieurs, d'une urbanité de grand seigneur, se laissait aller jusqu'à lever le poing. Mais son regard croisa le mien et sa main retomba. J'eus alors le loisir d'observer le domestique. James, il s'appelait James, depuis qu'il avait dit « Je dormais, my lord », n'avait plus prononcé que quelques paroles d'une voix sourde. Aussi bien, n'était-ce ni sa voix ni ses propos qui m'intéressaient, ou, pour mieux dire, qui m'inquiétaient. Mais je ne sais quelle raideur, quelle rage mal contenue. Sanglé dans une jaquette impeccable, les épaules larges, les mains soignées et puissantes, la bouche aux lèvres cintrées, balafrant un visage dur, le regard blanc, les talons joints, le menton haut, il écoutait. Et sa façon d'écouter était souveraine. Une fois seulement, Lord Dunmore venait de désigner du doigt la porte qui devait donner accès au salon de la comtesse, il tressaillit, et deux cordes tendirent ses maxillaires. Cette contraction suffit pour que Lord Dunmore gronda, les yeux injectés. « Et puis, s'il me plaît ?» Et déjà il s'apprêtait à pousser cette porte, quand il se ravisa, et en ouvrant une autre, traversa une galerie et me fit passer dans son cabinet de travail. Le valet de chambre, qui nous précédait, allumait les lampes. Une seconde, le plafonnier jeta une vive clarté dans la dernière pièce, mais Lord Dunmore dit « Pas ceci !» Et le bureau ne se trouva plus éclairé que par une seule lampe. Encore celle-ci, protégée par un céladon vert, ne dispensait-elle qu'une lumière indécise. Le domestique allait et venait, préparant sur une table un plateau et des verres. Lord Dunmore le suivait des yeux sans mot dire. Il était évident que la présence de cet homme le gênait, et qu'il attendait son départ pour s'exprimer librement. Quant au domestique, était-ce le fait d'un service méticuleux ou prolongeait-il volontairement cette situation ? Il évoluait sans hâte, on peut même dire avec une lenteur irritante. Lord Dunmore m'avait indiqué un fauteuil de cuir à côté à son bureau. Ainsi placé, je faisais face à une portière en tapisserie par l'entrebâillement de laquelle j'apercevais une pièce très éclairée, le salon de Lady Dunmore sans doute, et, en me renversant un peu, Lady Dunmore elle-même, assise de trois quarts et de telle façon que je la voyais sans qu'elle me vît. À la vérité, je ne distinguais d'elle que ses cheveux, une faible part de sa joue et la ligne de son bras nu. Mais ses cheveux étaient d'une blondeur émouvante. Cette joue avait la coloration tendre d'un beau fruit, et ce bras, une rondeur, une harmonie si parfaite que je ne me souvenais pas en avoir vu de plus noble. Le valet de chambre se retira enfin. Lord Dunmore allongeait la main vers les bouteilles. « Whisky, champagne, champagne. »« Moi, whisky, » dit-il après avoir rempli mon verre. « Vous n'appréciez pas cela, vous avez tort. Je ne connais pas de boisson qui désaltère mieux et procure à un plus haut degré une sensation d'aimable indifférence. Vous autres Français diriez d'oubli. Après tout, l'un n'est-il pas synonyme de l'autre ? Oublier, c'est le roi des verbes. Allons, encore une coupe de champagne. Non ? Mais vous buvez comme une fillette. » Il avala une rasade de whisky et reprit. « Il est vrai que pour votre bonheur sans doute, vous n'avez rien à oublier. Moi, c'est différent. Vous me croyez ivre ? Tel que vous me voyez, je suis solide et souple comme du temps que je ramais sur le 8 à Oxford. Beau temps, monsieur, beau temps. Ah, jeunesse. Et puis non. La jeunesse n'est que mensonge. La voilà, la vraie folie. pas un des plaisirs qu'il m'a procuré que je ne voudrais balayer de ma mémoire. Chacun a ses tristesses, objectai-je, mais aussi ses joies. Et le lot des célibataires comme moi est pire que celui des hommes mariés comme vous. Près de Lady Dunmore, il ricana. Je m'y attendais. Vous croyez vous aussi? Et vous le croirez bien davantage tout à l'heure, quand vous aurez vu Lady Dunmore. Eh bien, mon cher monsieur, Lady Dunmore. Mais au fait, je ne vous ai pas présenté. J'esquissai le mouvement de me lever, il m'arrêta. Ce n'est pas ainsi que je l'entends. Ce qu'on voit d'un être n'est rien. La forme, la beauté, ne sont que l'enveloppe misérable derrière quoi la vérité se cache. Lorsque j'ai épousé Lady Dunmore, si je m'étais douté du quart des souffrances qui m'étaient réservées, j'aurais demandé qu'on me jetât vivant au requin. Savez-vous, c'est une histoire que je ne raconte pas souvent, que j'ai tenté de m'y jeter moi-même, lors de mon dernier voyage aux Indes. Un midship m'a sauvé, et le plus fort. On l'a récompensé pour cela, et j'ai dû moi le remercier et lui dire « à la vie, à la mort ». Ah, du prix des mots. Il en est deux, comme de la beauté de ma femme, comme de ce que les a un homme mon bonheur et les autres ma cruauté. De quel droit, je vous le demande, les gens parlent-ils de ces choses? Cette fois, à n'en pas douter, il était ivre et s'exprimait sur un timbre si élevé que je ne pouvais m'empêcher, jetant à la dérobée un regard vers la pièce où Lady Dunmore sommeillait dans son fauteuil, de trembler à la pensée qu'elle s'éveilla et l'entendit. Un mouvement qu'elle fit me déroba son visage. Lord Dunmore écarta la portière et m'invita à le suivre. « Venez !» Deux pas, et je me trouvai en face de Lady Dunmore. À la façon dont elle m'accueillit, j'eus la certitude qu'elle ne dormait pas la seconde d'avant. Cependant, rien dans sa personne ne trahissait la moindre émotion. Mon trouble s'en accrut, car seule une force de dissimulation peu commune permet une telle maîtrise de soi. « Le comte de Saint-Pré, » prononça Lord Dunmore. « Soyez le bienvenu, » répondit Lady Dunmore. Sa voix tremblait imperceptiblement, ou plutôt hésitait, et ses yeux, ses admirables yeux gris, allaient de son mari à moi avec une inquiétude manifeste. Un chien craintif quête ainsi la pensée dans les yeux de son maître. Pendant toute notre conversation, qui dura quelques minutes, cette attitude ne se modifia pas. Elle parlait le français avec une recherche du mot juste qui ralentissait ses phrases. Lord Dunmore, qui s'exprimait dans notre langue avec une rare perfection, en manifestait un énervement certain. Pour renverser les rôles et me placer moi en état d'infériorité, je lui proposai de parler en anglais. Elle refusa en rougissant et m'avoua. « Je n'ai pas souvent l'occasion à mon gré de parler votre belle langue. Ceci m'est un excellent exercice. » Je lui demandai si elle aimait le théâtre. Elle me répondit qu'elle y allait rarement et n'y coûtait qu'un plaisir relatif. Si elle aimait la musique, elle me répondit qu'elle ne l'aimait pas, mais qu'en revanche elle adorait la peinture, la sculpture et la poésie. « Et vous n'aimez pas la musique ? » m'étonnai-je. « C'est une case qui manque à la comtesse, » ricana Lord Dunmore. « Une joie qui ne m'est pas accessible, » corrigea Lady Dunmore, la gorge serrée et d'un ton qui me fit voir que, malgré son apparente douceur, elle pouvait être dure et hautaine à l'occasion. Aussitôt, je me souvins de la phrase de son mari. La forme, la beauté, sont l'enveloppe misérable derrière quoi la vérité se cache. Et l'espèce d'antipathie que j'avais un moment éprouvée pour lui se dissipa. À n'en pas douter, un malentendu grave séparait ces deux êtres. Il ne me semblait plus maintenant que Lord Dunmore en fût seul responsable. Cette maison sentait le secret, et juste à point pour me fortifier dans cette idée, l'énigmatique valet de chambre parut. J'étais dans cet état d'esprit où l'on s'attache au moindre détail capable de vous renseigner. Il me parut que l'attitude de ce domestique était toute différente en face de Lady Dunmore de ce qu'elle était en face de son mari. Je pris congé de Lady Dunmore. Elle m'autorisa à revenir, en précisant qu'elle ne sortait presque jamais. Lord Dunmore me reconduisit jusqu'à la porte et me souhaita bonne nuit. Je ne le revis pas de quelques jours. Lorsque je le rencontrai, il affecta de ne pas parler de la comtesse. C'était dans l'après-midi, et il ne buvait que le soir. Mais après le dîner, il se montra plus communicatif, et, comme je prononçais le nom de Lady Dunmore, il parut disposé à reprendre la conversation interrompue. Sans rien me dire de précis, il me laissa entendre que son existence était un enfer, et cette fois mêla au récit assez vague de ses rancœurs le nom de son valet de chambre. Un drôle qui servait la comtesse du temps qu'elle était jeune fille et qu'elle attachait à sa personne lorsque je l'épousais. Une sorte de chien de garde hargneux qu'on a toujours sur les talons, qu'on trouve derrière chaque porte, derrière chaque tenture. Je ne m'étais donc pas trompé, et ma curiosité n'en devint que plus aiguë. Lord Dunmore, ne me renouvelant pas l'invitation formulée par sa femme, il eût été de courtoisie élémentaire que je m'abstinsse d'y faire allusion, mais le désir de savoir fut plus fort que le souci de la correction et je risquais. La semaine dernière, passant rue du Ranelagh, vers 5 heures, j'étais sur le point de sonner à votre porte. « Ah ! » dit-il. L'accueil plutôt froid fait à mon propos ne me découragea point, et feignant de ne pas avoir entendu, je poursuivis. Lady Dunmore m'ayant dit qu'elle ne sortait guère, il est vrai que la comtesse sort fort peu, et vous auriez pu... Une autre fois, si vous vous trouvez dans ces parages, elle et moi serons heureux. Il ne pouvait guère me répondre autre chose, mais il était visible que cette visite ne lui agréait que médiocrement, et qu'il regrettait de m'avoir introduit dans sa demeure. Néanmoins, je pris sa réponse au pied de la lettre, et la semaine suivante, je me dirigeais vers la rue du Ranelagh. 6 heures sonnaient quand j'arrivais, donc nuit noire. Avec ses 2 fenêtres du rez-de-chaussée et celle du toit éclairée, la maison m'apparut telle que je l'avais vue le premier soir. J'allais sonner. Un bruit de voix assourdie et de trépignement m'arrêta. Je prêtai l'oreille. Le bruit un instant apaisé reprit, cette fois plus distinct, et il me sembla entendre des jurements et des râles. L'idée me vint aussitôt que dans ce quartier éloigné, un mauvais coup, un crime était possible. Je mis la main sur la porte, elle s'ouvrit. Ceci confirma mes craintes. En 3 enjambées, je franchis le hall et me précipitai dans le petit salon d'où venait la rumeur. Là, un spectacle incroyable me cloua sur place. Abattus l'un sur l'autre, Lord Dunmore et son valet de chambre étaient aux prises, et chose plus incroyable encore, chose inouïe, monstrueuse, assise à 3 mètres 2 et leur tournant le dos, Lady Dunmore, comtesse de Durham, accoudée au bras de son fauteuil, un doigt contre la tempe, regardait flamber une bûche dans la cheminée. De ces 2 hommes enragés, nul souci. Au risque d'attraper un mauvais coup, je me précipitai sur eux et j'essayai de les séparer. James tenait son maître à la gorge. J'assenai un coup de poing sur le visage du domestique. Il lâcha prise. Un instant, Lord Dunmore oscilla sur les genoux, la bouche ouverte, les yeux désorbités, puis il se leva, jeta sur nous un regard vague et sortit en reculons. James, les talons joints, la poitrine battante, s'épongeait le front. Lady Dunmore contemplait toujours la flamme. Ainsi, cette chose inimaginable, une femme, et quelle femme, faisant assassiner son mari, était vraie. Maintenant, les moindres paroles de Lord Dunmore me revenaient à l'esprit. Lady Dunmore, lorsque je l'épousais, ne possédait pas un penny. Ce drôle, ce chien hargneux qu'on trouve derrière chaque porte, derrière chaque tenture. Je comprenais le drame. Lady Dunmore, pauvre, rêvant d'être riche et libre, ce valet payé pour tuer. « Ah, madame, criai-je, ceci est monstrueux. Non, monsieur, me dit le domestique, d'une voix oppressée. Non, vous, fis-je, saisissant mon revolver dans ma poche. Sans reculer, il murmura d'un ton qui me glaça de stupeur, le bras tendu vers la porte. « Ce n'est pas moi, monsieur, c'est le lord. »« Eh bien, quand même, » m'écriai-je, croyant qu'il voulait dire que son maître avait frappé le premier. Cette femme abominable qui demeure là, indifférente, sans un geste, sans un appel, qui, maintenant encore... Madame la comtesse ne pouvait ni faire un geste, ni appeler. En cet instant même, madame la comtesse ignore ce qui s'est passé et ce qui se passe. « Hein ! » reconnais-je. « La folie, hein ? À d'autres, mon garçon. »« Pas la folie, monsieur, » fit-il en hochant la tête. « Madame la comtesse. » Il parut hésiter. 2 larmes coulèrent sur ses joues. Il acheva pourtant. « Madame la comtesse est sourde et muette. »« Muette ? Ah ça ! » !»« Il n'en est pas moins vrai, monsieur. » Il n'existe pas proprement parler de muet. Certains pauvres êtres naissent sourds. La mutité n'est qu'une conséquence. Je dois dire, ceci pour vous expliquer ma parfaite connaissance de ces choses, que je ne suis pas exactement un valet. J'ai été jadis précepteur de madame la comtesse. C'est moi qui lui ai appris à parler suivant la méthode de l'abbé de l'épée. Grâce à une intelligence merveilleuse, à une volonté sans seconde, elle fit des progrès surprenants. À peine une hésitation dans ses mots, un accent un peu guttural. Pour le reste, elle lit sur les lèvres. Au point que Lord Dunmore, s'étant épris d'elle, l'épousa, sans soupçonner son infirmité. Certain que cette erreur ne pourrait se prolonger, craignant tout le jour qu'il aurait la révélation de l'affreuse chose, et voulant pouvoir alors la protéger, je m'attache à elle en qualité de serviteur. Ce que j'avais prévu ne manqua pas de se produire. Lord Dunmore, quand il sut, se mit à haïr sa femme. En ces derniers temps, l'alcool aidant, il devint féroce et je lui épiais ses moindres gestes. Tout à l'heure, ayant bu plus que de coutume, se croyant seul, il s'avança les mains ouvertes. C'est alors que je me jetai sur lui. Mais pour Dieu, monsieur, que nul ne sait jamais ce que je viens de vous dire. Maintenant, si vous désirez présenter vos hommages à madame la comtesse... Non, non, c'est Lord Dunmore que je veux voir. Et si vous avez menti... Il n'a pas menti, articula péniblement Lord Dunmore en soulevant la portière. Puis, contournant le fauteuil de sa femme et se plaçant devant elle, il ajouta. Cher, le comte de Saint-Pré vous salue. Elle me tendit sa belle main, sourit et dit. Cette fois, je m'aperçus qu'elle fixait obstinément mes lèvres. Quelle charmante surprise, monsieur. Ainsi s'achève La mystérieuse Lady Dunmore par Maurice Level.